secret. Mais tu t'aperçois toi-même de ta bouche et vie. Tu fais de grands gestes, mais tout ça de mon sang. Y'a mal, tu me vois, c'est pour ça. J'ai rencontré, j'avais pas levé. J'avais tous les mecs sur le bas côté. Fais belle et tu vas caber. Je suis rendu, prends-moi cadeau. Un record de ma tête, y'a ton un truc qu'on m'a fait. Suis le faux pasteur et c'est ma conscience qui m'a dit. Ok, je suis la cible, j'prends tout le packaging. Je ok, ok. Traitais-tu de base, ça a adouci le bail. Comment faire de ma tête en l'air? J'ai plus le contrôle. Traitais-tu de base, comment faire de ma tête en l'air? Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Ah oui la tête, bébé go and get. Je finis mon tête, moi je veux la vie de rêve. Ah oui la tête. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays Bob Marley. Vive une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je ne suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays Bob Marley. Vive une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je ne suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut des petits cartes de crédit, photo Snapchat du lundi au lundi. Elle est dans son délire, elle même quand il y a le wifi. Tant qu'on nous voit heureux, ça lui suffit. Elle veut trop qu'on soit sur les réseaux, ouais. Je suis baronne, mais il faut tousser. Tant qu'on peut pas tout exposer. Sur nous, elle est dans les stars là-bas. Elle veut que tout le monde sache que je suis son âme. On s'en est vivre au pays Bob Marley. Vive une vie de star un peu comme Bob Marley. Et dit de ralentir, je ne suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays Bob Marley. Vive une vie de star un peu comme Bob Marley. Et dit de ralentir, je ne suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Oh na na. Feelings, so deep in the feelings. No saying you deny me. Can't control my anxiety. Feeling, touch on the ceiling. You keep breathing. Boy, you do something to me. Ooh, I'll never get over you until I.

vivre sans toi. Aïe aïe aïe. Murder she wrote. No no no. Murder she wrote. Nimbalo chérie. Mwen kou pa wali ma lèvi. Jepsi kou le kaimi. Fik me la jet la ta. Notisyan ni chaje bagay. Gen bagay. Ryan DJ.